Salut tout le monde et bienvenue sur la POC. Nous sommes au moment de l'enregistrement, le 13 mars 2017. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Godbout. Hey, salut, salut. À toutes les semaines, à toutes les shows, j'essaie de le faire plus grave encore, Jerry Godbout. À un moment donné, ça va faire un son de basse. It's Batman. Donc, au moment de l'enregistrement, le Canadien de Montréal, classement dans la Ligue nationale, toujours en première position dans l'Atlantique avec ses 86 points pendant quelques instants, pendant une journée. Les Sénateurs d'Ottawa qui avaient devancé le Canadien de Montréal au premier rang avec 84 points. Boston qui est troisième toujours dans l'Atlantique avec 78 points. Ensuite, dans la métropolitaine, Washington, Pittsburgh, Columbus et les wildcards, c'est les Rangers et Toronto. Dans l'Ouest, ceux qui font les séries en ce moment, Minnesota, Chicago et Nashville dans la centrale, San Jose, Anaheim et Calgary dans la Pacifique et les wildcards, Edmonton et Saint-Louis. Le Canadien de Montréal, depuis le dernier enregistrement, une victoire de 2-1 contre Nashville. C'était le retour de Piqué Subban à Montréal. D'ailleurs, tu trouvais que c'était trop médiatiquement parlant, le retour de Piqué? On a-tu trop souligné ça? Ben, pas trop, mais on va se le dire en maudit que Piqué Subban est médiatisé, même s'il est pas à Montréal. Il vend dessus, hein? Il vend en maudit, pour vrai. Mais c'était correct, là, je veux dire. La cérémonie, moi, m'a donné des frissons, on va se le dire, là. J'étais content de le revoir, là. C'était quelque chose. C'est comme une ex-blonde, mais tu sais que tu t'es laissé, tu sais, pas parce que tu l'aimais plus, juste parce que t'étais rendu ami. Pis là, ben, tu sais, le temps fait son œuf. Pis là, mané, tu sais, une couple d'années après, tu le revois, pis tu fais comme, ah, c'était nice. c'était nice. C'est mon feeling. Sinon, les Rangers, victoire de 4-1 le 4 mars, le 7, 2-1 contre Vancouver en prolongation. On a mangé une dégelée ensuite à Calgary, 5-0. Et le match d'hier, au moment de l'enregistrement, là, c'était contre Edmonton, où est-ce que Edmonton a mené tout au long du match. Et en troisième période, un réveil offensif inespéré ont permis d'accumuler 4 buts et donc d'aller battre les Oilers 4-1. Match qui était, somme toute, assez soporifique. Là. Je le regardais du coin de l'œil, puis c'était pas le plus excitant des affrontements. Donc, voilà pour le parlotage du classement du Canadien de Montréal. Ça fait le tour. Première place. C'est une bonne position. Oui. Mais oui, tant qu'à être une place. On peut pas chialer, je veux dire. Ça serait le fun de chialer sur le Canadien un peu, hein? Ah, on va se permettre. Mais avant, tradition oblige. C'est ça qui me déconcentrait. J'étais comme, quand est-ce que je le fais? Je l'ouvre-tu comme en plein milieu du classement? J'attends-tu de... Je me suis comme éclaboussé ses doigts. je me liche rarement les doigts pendant que j'enregistre, mais là, c'est de la bière. Fait que, c'est ça, je me demandais, je fais tout ça pendant les scores, là, je me suis comme souvenu que j'avais une bière, fallait que je l'ouvre. Ah, une Sleeman Original Draft. Bois-tu quelque chose, toi, mon Jerry? Pas à tout. De l'eau. En fait, je t'ai déjà dit, je fais des réactions à l'alcool, puis ça me pique partout, puis c'est pas une bonne idée de me gratter pendant que je fais un show. Ben, partout, ça me pique les jambes, en fait. Hey, Ouais, je sais pas pourquoi. Pour vrai, je fais sûrement une réaction à je sais pas quoi, puis j'arrête de boire de l'alcool parce que ça me pique tout le temps. C'est désagréable. Ah, ouais. Ouais, la dernière fois que j'ai fait ça pendant un show, là. Appelle Info Santé, man. Ouais, il faudrait check ça, man. Ça prend de l'alcool dans ta vie? Non. Pour vrai, je m'en fous tellement. Tu fais ce que tu veux, man. T'as un peu d'alcool! Mais je vais arrêter de te demander qu'est-ce que tu bois, par exemple. Mais ça va être de l'eau pour. De l'eau du lait. Oh! Je vais être plate de même. Du lait! Tout un personnage sacré, Jerry! Ouais, moi je peux prendre du café encore. Ouais. On commence à avoir déjà un petit peu de temps, tu sais, de fait là, avec le nouveau coach, avec Julien, Claude Julien, à la barre du Canadien de Montréal. Donc, tu sais, on a un petit peu plus de vécu et, on a, tu sais, grosso modo, une fiche de 8-3 depuis qu'il est à la barre de la formation. C'est pas toutes des victoires époustouflantes. C'est pas toutes des victoires que tu dis, il méritait solide. Mais le résultat est là et le Canadien de Montréal donc est en train de consolider sa première position dans sa division. Et surtout, ça nous amène à voir un constat aussi dans le jeu de certains joueurs comme Carey Price. C'est dans les coulisses.com qui soulevait que le gardien de but du Canadien de Montréal avait eu 3 phases dans la saison jusqu'à maintenant. Son départ avec Michel Therrien, et ce, jusqu'à son fameux regard porté envers le coach à sa nausée. Il y avait une fiche de 16-3-2, .940 de pourcentage d'arrêt, et en termes de buts accordés là, en moyenne par match, à 1.80. Ensuite, la deuxième portion, là, c'est quand ça a été vraiment mal, et jusqu'au congédiement de Michel Therrien, 8-11-3. 895 de pourcentage d'arrêt et 311 de moyenne de buts accordés. Et à partir de le début de l'ère de Claude Julien et le retour de la bye week, 7-2, 952 de pourcentage d'arrêt et 1.31 en termes de moyenne de buts alloués par match. Et donc, ma question est, Jerry, selon toi, est-ce que Carey Price a sorti volontairement Michel Therrien du rôle d'entraîneur-chef du Canadien de Montréal? C'est dur de dire non avec ces chiffres-là. Là. Je veux dire, c'est drôle que d'un jour à l'autre, pouf! C'est surtout le avant le regard, le après le regard. Le gars avait l'air en maudit après le coach. Il y a les chiffres qui le prouvent, puis whoops, Julien arrive, puis tout d'un coup, Carey Price est de retour, puis il fait « Bon, ben let's go, on peut retravailler, tu sais. » Je peux... C'est tough en même temps de dire vraiment qu'il a sorti le coach Therrien, mais en même temps... Tu sais, c'est pas comme, mettons, un Max Pacioretty qui tout d'un coup arrête de scorer. Ça se peut, tu sais. C'est plus facile, mais là, les chiffres de Carey Price sont vraiment contre lui, fait que je suis quasiment... Je suis porté à dire carrément que oui, c'est lui qui a fait genre bof. Moi, je joue plus pour ce gars-là. Je suis tanné. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas, les chiffres sont vraiment contre lui là-dessus. Là. Penses-tu qu'il l'a fait volontairement? Ben, volontairement. Ou c'était inconscient puis que ça a quand même mené à ça? Peut-être. Mais en même temps, peut-être qu'il se donnait pas mal moins. Tu sais, il y avait peut-être. Michel Therrien a peut-être perdu le respect de certains joueurs. Tu sais, la rumeur comme quoi qu'il y avait. On va se dire, peut-être quasiment envoyé chier Andrew Shaw. Le varlopé, selon les dires. Fait que, tu sais, pis ça a l'air que ça serait Carey Price qui aurait dit, pis que Michel Therrien aurait répondu. Moi, je dis ça de même, mais Carey Price, c'est ton pain pis ton beurre. Hein? C'est lui qui te donne la victoire quand ça va y tenter. D'ailleurs. Il est ton bord. Yo yo style, man! Yo yo yo yo! Je vais encore jouer au yo yo avec Andrew Shaw. Il joue bien de ce temps-là. C'est vrai, hein, qu'on n'arrête pas. Yo! C'est quoi, j'ai déjà dit, il y a une semaine, on se dit, il est pas bon. L'autre deux semaines après, il est bon. Après, il est plus bon. Après, il est bon. Après, mais, il est plus bon. Veux-tu te... Regarde, dans les deux dernières semaines, depuis le dernier show, Andrew Shaw est un... Écoute, c'était Gallagher il n'y a pas si longtemps. C'était exactement ça. C'est un étincelle. Crée des choses, mais surtout amène son adversaire à se commettre et à avoir plus de pénalités. Tu sais, Andrew Shaw qui en pogne une fois de temps en temps, j'ai pas de trouble avec ça. C'est si normal. Si tu mets pas ton club dans le trouble. Mais quand en plus tu joues à la peste et t'amènes l'autre équipe à aller au cachot, man, j'adore ça. Là. On peut rien dire contre. Là. Non, c'est ça. Effectivement, il joue mieux sa game. Il est peut-être plus tempéré aussi. On va se dire aussi qu'il y a un Claude Julien qui avait probablement une l'une des meilleures pièces de la Ligue nationale en Brad Marchand. Fait que tu sais, est-ce qu'il a amené des trucs? Il a-tu dit, hey, tu sais, nous autres à Boston dans le temps, on faisait ci, on faisait ça, puis tu sais, je sais pas. On joue avec intensité, mais essaye. C'est clair que d'après moi, le Claude Julien a apporté de quoi. Je veux dire, c'est totalement le type de joueur qui fit avec Claude Julien. Il y a sûrement une cohésion. Puis on s'entend que Michel Therrien a tout le temps eu de la misère. Si tu regardes dans les années précédentes, là, je disais, oui, Andrew Shaw, là, Gallagher, man, il y avait un aura autour de lui qui était comme protégé. Mais tu te souviens-tu de Ryan White? C'était la même affaire, tu sais. Oui, c'était pas un autant pointeur pis tout, là, mais c'était la même affaire. On dit, il y a tout le temps eu de la misère un peu avec ce genre de joueur-là. Fait que... Mais ça m'amène à souligner la fiche de Andrew Shaw. Dans les 5 derniers matchs sous l'ère de Terrien, il était à moins... Attends un peu. Moins 2, moins 1, moins 2, moins 1. Fait qu'il était pas mal à moins 6. Après ça, ben le premier match sous Julien, moins 1. Ensuite, un autre moins 1, le 23. Puis après ça, des zéros partout. Puis là, il commence à être plus un. Tu sais, on voit que ça s'améliore défensivement, comme en fait l'ensemble du club. Là, je pense que la moyenne de buts accordés par le Canadien a chuté de 0.3 buts par match. La moyenne de buts marqués aussi, là, mais ça, c'est une autre affaire. C'est-tu le fun de regarder le hockey sous Claude Julien? Hein? C'est-tu le fun? Ça dépend des games. C'est plate en tabarouette. Ouais, mais ça dépend des games. Là. C'est sûr qu'il y a des games que. Tu sais, comme hier, mettons, j'ai pas écouté. J'ai tellement été débordé que dernièrement, j'ai pas écouté autant les games. J'ai plus regardé les highlights. Puis, m'ont dit que les highlights te montrent les meilleurs moments de la partie, tu sais. Mais tu peux savoir si la game était le fun selon la durée. Quand le highlight, il dure 3 minutes versus. D'habitude, c'est en moyenne 7 à 8 minutes. Là. Une bonne game, là. Tu le sais, là. Tu t'en rends compte que c'était plus soft. Hein. C'est ça. Mais. Non, c'est. Moi, là, je veux dire, une victoire. Moi, j'aime beaucoup les games serrés. Là, fait, en partant, j'aime plus ça quand ça finit 2-1, 1-0, 2-0. C'est un gars de même. J'aime le hockey plat, ça a l'air. Tout aime ça quand c'est tête. OK. OK. On passe au prochain sujet. Ben, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les nouveaux de la formation, le travail de Marc Bergevin. On a donné nos impressions au lendemain de la date limite des transactions, mais là, on a quelques matchs derrière la cravate. On a vu les gars dans l'environnement du Canadien de Montréal. Tu sais, se sont-ils assez adaptés? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on commence quand même à avoir certaines tendances, là. Particulièrement du côté de Dwight King. Ça étend-tu d'être à Montréal? On sait pas. Ça, je veux dire, il y a juste celui qui le sait vraiment. Je veux dire, c'est sûr que présentement, il n'y a pas de l'air à triper. Mais. Mais, tu sais, on nous a dit que son chien s'appelait Abs. C'est sûr qu'il aime ça, Montréal. Voyons. Ouais. C'est sûr. Non, mais. Peut-être aussi que ça. Il y a peut-être juste de la misère. C'est nouveau. Il aimait peut-être vraiment les Kings. Est-ce que les Kings ont plus de chances de gagner une Coupe cette année que. Que le Canadien, peut-être pas cette année, parce que Quick était pas là, là mais. Je sais pas. C'est parce qu'il est tough à... Peut-être le sentiment d'appartenance, mais à un moment donné, c'est censé être ta job, puis comme il s'enligne là, parce qu'il devient UFA à la fin de la saison, là, il s'enligne pas pour que le Canadien fasse signer un nouveau contrat, là. Vraiment pas. Non. Non, je vois, pas, je vois aucun intérêt à signer un gars de ce style-là. On dirait Benoît Pouliot, mais avec moins de talent. C'est gros, chiant, grand, fort, mais qui n'utilise pas son corps. Non, ben c'est... ça, puis en même temps, moi, il y en a un qui m'a vraiment plus impressionné, puis je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas joué hier, mais Andreas Martinsson, qui a premier game à Montréal, c'était waouh, il frappait tout le monde, il était tout le temps impliqué, il patine quand même, puis je sais pas, il y avait une belle cohésion, ça allait bien, puis c'était le fun. Je comprends pas pourquoi il a été retiré. Comme je dis, j'ai pas vu toutes les games. Fait... Ouais, c'est pas un vétéran. Ouais. Ça, c'est encore les bonnes vieilles rengaines de vieux coach, là. Mais je sais pas, man. Il y a quelque chose qui fait que. Moi, j'aurais mis. En tout cas, lui, je l'aurais fait jouer. Martinsson, c'est vraiment. Steve Ott fait la job vraiment bien. Puis j'ai vraiment aimé hier. Sûrement que tout le monde l'a vu. Quand il a un petit peu agacé Zach Cation hier. C'est ça, donc, il fait juste sortir sa game. Il fait sortir de sa game. C'est intéressant. Des joueurs pestes de même qui sont capables de déranger le monde. Mais non, Dwight King, à date, c'est celui qui déçoit peut-être le plus là, dans tous les nouveaux joueurs. Mais tu sais, on peut rien dire contre Jordy Benn. Là-dessus, on va s'entendre. Non, il est efficace. On peut rien dire contre lui. Ott, on l'a vu un match. Un ou deux, puis tu sais, sa force, c'est censé être les mises en jeu, puis c'est assez ordinaire de ce côté-là. Ouais, ben c'est... C'est rien de fameux, là. C'est Philippe Danault qui remporte le plus de mises en jeu. Ouais. Ah, notre premier centre. Ouais. Ben, j'espère. Sinon, ben, Davidson, moi, j'aimerais ça qu'il joue hier contre Edmonton. C'était son ancien club. Mais non, on a préféré Beaulieu qui a été atroce. Le but de Lucic, c'est carrément la faute de Emeline. Il était dégueulasse. Pour vrai, là, débarquez-moi ça du line-up. T'as dit Beaulieu ou Emeline? C'est Emeline. Emeline, tout le long, c'est Emeline que je parlais. C'est parfait. Parce que oui, effectivement, Emeline, là, depuis qu'il joue pas avec Weber, là, il est assez mauvais. Là. OK. Honnêtement. La vraie question, c'est est-ce qu'il était bon? Ou est-ce que Weber compensait? Weber le rendait bon. Fait que ça nous ramène à dire qu'Emeline n'est pas bon. Puis que Weber, il est sa coche. Mais ça, ça a déjà du meilleur arrière de ton club de rendre les autres meilleurs. Là, mais tu sais, je te disais plus tôt cette saison, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères-tu Subban qui rend Markov comme un défenseur numéro 2 à nouveau? Ou tu préfères Weber qui rend Emeline comme un défenseur numéro 2? Tu m'avais dit, ah, Weber, Emeline. Pis sûr, là, tu sais, ça s'est tout soufflé pas mal. Non, mais moi, c'est plus la question, je voulais Weber. Je veux Weber. Ouais, peu importe ce qui se passe, je veux Weber. Je veux Weber, Jacques Subban, ça arrivera pas, là, mais. Peut-être dans 6 ans. Peut-être dans 6 ans. Pis là, c'est Subban qui va rendre Weber meilleur. Sûrement, oui. Fait que, tu sais. Non, Hey, d'ailleurs, Vlasic, en entrevue, disait à la radio, je pense que c'est à Radio X, peut-être que je me trompe, là, que Weber, il allait être encore bon, il allait jouer au moins encore pendant 7 ans. Ouais. J'espère, bâtard, c'est ça la durée de son contrat. Mais c'est Vlasic. Vlasic, avec les médias montréalais, me fait vraiment rire. Ce gars-là a compris la gang de Montréal, ça a même pas de bon, ça. J'espère, crime, qu'il va être encore là. Non, c'est sûr, mais écoute, en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Honnêtement, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Ben, il aurait fallu qu'ils disent 9 ans. Ouais. Parce que c'est ça la vraie durée de son contrat. Tu sais, c'est hot 7 ans, là, mais c'est parce qu'il y en a 9. Ouais, non, mais écoute, moi, on va prendre Weber le temps que Weber va marcher. Le mec, qu'il soit plus bon, ben, il sera plus bon. On avisera rendu là, mais... C'est ça. Moi, j'ai fait comme, ben oui, 7 ans, mais c'est pas ça la durée du contrat. On en reparlera dans 7 ans, dans un épisode spécial. Weber est-il encore bon? Qui gagne le trade? Dans 7 ans, on en reparle. Ah, ça serait drôle. Je prends mais, des notes. Écoute, mais c'est l'argument que j'ai déjà dit, c'est si on peut encore parler du trade de McDonough, on peut parler de celui de Weber. Là. Effectivement. Effectivement. Parce moi, que... je lâcherai pas le morceau, promis. L'affaire qui est le fun avec ce trade-là puis le trade de McDonough, c'est que les deux reviennent aux mains. On aimerait avoir Subban, mais avec McDonough et Weber, tu sais, c'est... c'est vrai, ouais. Annule tout ça, là, puis... ouais, c'est ça. Ah. Mais Joe Subban, vraiment de loin la meilleure acquisition de Marc Bergevin. Peut-être Martin Tetson pourrait être un peu long terme. Ouais, c'est ça. Il y a 24 ans, là, fait. On va lui donner une chance. Il est grand, il est gros, patine. Yes, il y a des mains. On aime ça. Non, il va dans les coins. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est poche parce que c'est pas mal tout ce que tu retiens, la date limite finalement. Dwight King, c'est pas tant un King. Steve Hott, c'est pas tant hot. Oh tabarnan! Ah, hey, check-moi les jeux de mots! Non, mais en tout cas, c'est ça. Mais en même temps, c'était pas des gros trades. Là. Il a pas amené quelqu'un, genre Thomas Vanek, qui marchait plus finalement, puis tout le monde a chialé. Et puis à l'inverse, il s'est pas ramassé comme en prison, les culottes à terre, pas de lubrifiant. Là. C'est ça. Il a rien donné. Il a ça... rien donné pour savoir. Fait que c'est correct, là, tu sais. Avais-tu un sujet pour nous autres, mon Jerry? Ouais! Ben, parlant de contrat, tu sais que Weber va être bon encore pendant 7 ans, mettons. Oui, hein, sur les 9. Il y en a un autre que, combien tu penses qu'il va être bon encore parce qu'il a pas signé avec le Canadien? On parle de Radulov parce qu'on va se dire que quand Radulov était pas là puis qu'il était blessé, c'était il manquait quelque chose, hein? Ouais. Il manquait de love. Il manquait de love. Non, mais pour vrai, je veux qu'on parle du contrat de Radulov qui n'est pas encore signé. Ça me stresse un peu. Mais en même temps, j'ai déjà effleuré un peu le sujet. Je reviens là-dessus parce que j'aime ça revenir là-dessus. Qu'est-ce que je te dis? Reviens, ah ouais. Est-ce que le fait que Radulov soit pas encore signé, on est le 13 mars, il pourrait signer une prolongation de contrat immédiatement. Ça forcerait Bergevin à... J'ai dit Bergevin, ça je trouve ça très très drôle. Bergevin à le protéger pour le draft d'expansion. Oui. Ça m'amène à dire, est-ce que Bergevin a une stratégie pour l'expansion, c'est-à-dire de ne pas signer Radulov, avoir une entente verbale avec le joueur et de tenter de le signer après? Il pourrait avoir la chance de le perdre parce que probablement n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale va faire « ça te prend 5 millions par année, 8 millions, tu veux 6 ans, viens-t'en, un gros, on va signer ensemble. » On voit clairement que Bergevin ne veut pas ça. Lui, je pense qu'il veut un 3 maximum. C'était quoi déjà les rumeurs? Je pense qu'il voulait 5 ans. Ce qui est beaucoup trop. Faut quand même mettre nos vraies lunettes, là, pas les lunettes de fan que Radulov et sa coche. 5 ans, c'est trop. On va se le dire tout de suite. Ah oui, vraiment. Moi, j'y vais avec un 3 ans. Je sais que toi, tu préfères un 2 ans. Et de loin. Puis encore, ça dépasse. Mais oui, mais tu sais, on voit là avec le contrat de Plekanec, puis je veux pas comparer le talent des deux gars, là, c'est pas ça, là, c'est que même un an de trop, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, effectivement. Fait qu'imagine deux, puis voire trois, parce que potentiellement, là, que Radulov, là, oui, il se donne à fond, là, mais c'est parce qu'il y a juste un an de contrat, puis le but pour lui, c'est d'aller chercher finalement son gros contrat comme UFA dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va pas retourner dans ses bonnes vieilles habitudes de choker puis de pas se donner à fond tout le temps quand il va avoir la sécurité de salaire pour sa retraite? Écoute, j'ai pas la réponse, puis j'espère que ça arrivera pas, mais c'est une question qu'il faut soulever puis qu'il faut adresser quand même, là. Surtout si on est dans les shorts de Marc Bergevin, comme on se positionne là pour jaser du sujet. En tant qu'organisation, peux-tu te permettre d'avoir des contrats à la Plekanec pour des joueurs qui avancent pas puis qui sont pas utiles? Pas trop souvent, là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je paierais plus pour un Radulov qu'un Plekanec. Je veux dire, même si, mettons, on parle d'un Plekanec avant qui était plus efficace, qui faisait son 60 points par année, je paierais plus pour un Radulov. Pour l'énergie qu'il apporte. Il dégage de quoi, pour vrai, là. Puis, tu sais, une petite parenthèse sur Pacioretty, là, que j'ai blasté, là, on va se le dire, là. 52 buts. Ouais, j'avais vraiment de la misère avec le joueur en début d'année. Puis depuis qu'il a été jumelé avec Radulov, je trouve que Pacioretty a changé. Là. Puis pour vrai, là, il est pas pareil. Je sais pas si ça a un rapport avec Radulov. Je sais pas si Radulov a inculqué de quoi dans l'esprit de Pacioretty. Mais il est beaucoup plus impliqué. Comme Radulov l'est depuis le début de l'année. Là. Il y a même un sentiment de joie de jouer. C'est drôle, hein, parce que Radulov, là, s'apprécie. Puis c'est pour pas sacrer que je dis ça. Il me fait penser à Piquet Souban. Oui, dans son sens. Oui, effectivement. Tu sais, dans la joie de vivre, dans la volonté de gagner, puis dans tout ça, dans les trips à la table, c'est Piquet Souban blanc à l'attaque. C'est à peu près la même affaire. Peut-être qu'il parle moins dans la chambre parce que les Russes, selon les stéréotypes qu'on entend dire, seraient plus réservés. Mais en tout cas, ça a de l'as. Pour moi, ça se ressemble. Puis s'il y en a un qui tire ses présences, là, c'est bien Radulov. On lui pardonne. Il revient au banc, on dirait qu'il vient de courir le marathon. Mais c'est correct, c'est Radulov. Il veut, il se met dans le trouble, là, mais il veut. T'sais. Mais Piquet Souban, c'est-tu parce qu'on était juste tanné à la longue? Puis est-ce que le même phénomène pourrait arriver avec Radulov? Je serais pas surpris, là. Je sais pas, parce que comme tu dis, il est beaucoup moins flamboyant. Puis je pense que le fait qu'il soit flamboyant énervait les gens. Puis c'est poche à dire, mais comme tu as dit, Radulov il est blanc, Piquet il est noir. On va se dire, même si on est en 2017, ça l'agace quand même certaines personnes. Je les comprends pas, mais ça agace quand même des personnes, tu sais. Ouais. Fait que, juste ça, Piquet Souban blanc, là. Pas mal sûr qu'on en parlait moins. Ah ouais. Puis l'autre argument, c'est que sa production offensive va pas aller en augmentant. Non, c'est pratiquement impossible. Il y a plus de 30, il y a 31, voire 32 Ouais, de quoi dans le genre? En ce moment, je regardais, là, j'ai la liste devant moi. Là, dans les 20 meilleurs pointeurs de la ligue, t'as 3 joueurs qui ont plus que 30 ans. Oui, mais il y a toujours des exceptions, honnêtement. Là. Pis... Ouais, mais Radulov ne sera pas dans ces exceptions-là. Je te le dis, là, ça arrivera pas. Pis surtout pas au salaire qu'il va commander. Je préfère, et de loin, là, il va tomber UEFA, là, c'est pas le cas, là, mais mettons que le Canadien est en moins bonne posture à la date limite des transactions, que tu l'échanges, que tu acquières des jeunes, que d'Orsini, ce gars-là, au gros prix pour une performance offensive qui sera pas à la hauteur. Ben, même moi, échanger Radulov, j'aurais pas dit non. Radulov aurait probablement été capable de nous donner beaucoup de jeunes qui auraient performé. Je pense que sa valeur est quand même assez haute, même si son contrat venait à échéance à la fin de l'année. Honnêtement, je suis pas mal sûr qu'il y a facilement 15 clubs à la fin de l'année qui vont appeler Radulov si Radulov n'est pas signé encore à Montréal. Ben oui. C'est facile. Ce gars-là a réussi son retour dans la Ligue nationale, là. On va se le dire. Je suis content qu'il ait fait à Montréal, puis j'aimerais ça que ça continue. Moi, je pense que c'est une stratégie pour venir au point de départ qu'ils vont signer à Montréal, puis il n'aura pas été obligé de le protéger, donc il va protéger autres joueurs. J'espère que c'est ça. Ben, on l'avait déjà soulevé dans un show précédent. Ouais, même chose pour Markov aussi. On souhaite que ce soit ça. Le bémol, c'est que Las Vegas, à partir du 28, juin, peut parler avec les agents libres. Donc, à ce moment-là, tu sais, ouais, t'as bien beau avoir une entente, poignée de main là, avec le gars, là, tu sais, il n'y a rien de signé, puis il peut faire. Tu sais, si l'autre club, il offre 2 millions de plus par saison, tu sais. Serait capable de dire non. Cracherais-tu, toi, sur 2 millions? Moi, non. Bon. Cracher sur 2 millions, puis c'est mon cash, oui. Ouais, non, c'est ça, tu vas le laver. Anyway. Mais, tu sais, je fais juste penser, exemple, là, on parlait de jeunes. Tu sais, Toronto, là, ils ont 4 gars dans le top 50 des pointeurs. Pis c'est tous des jeunes. C'est tous des jeunes. Le plus vieux, c'est Van Riemsdyk, qui a 28 ans, si je me trompe pas, 27. Il joue avec les jeunes qui l'aident à performer. Il y a 27, tu sais. Fait que c'est vraiment pas très vieux. Quand ton vétéran à l'attaque a 27 ans, t'es en business pour longtemps. Le Canadien de Montréal, c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. Quand tu penses que ton deuxième meilleur buteur avec 18 buts, c'est Schroff Byron. C'est Tipol! C'est Tipol! C'est pas normal, là. Je peux pas croire que t'arrives en série et tu fais comme hey, hey, hey, watching you! On a Tipol! Tipol! Tu sais, non, là. Moi, ça me fait bien peur. Parce que le Canadien de Montréal est capable de monter très haut, mais il est capable de descendre très, très bas aussi. C'est un club qui a pas de milieu. Soit c'est tout, soit c'est rien. Puis en série, j'espère que Claude Julien est aussi bon qu'on l'espère parce que c'est la stratégie, c'est comment tu contournes le jeu de l'adversaire qui va te permettre de gagner des rondes ou non. C'est un jeu d'échecs. Puis je pense qu'on a un meilleur joueur entre les mains avec Claude Julien qu'avec Michel Therrien pour s'adapter à la game des autres. Mais tu sais, dans le top 50 des pointeurs avec Montréal, t'as juste Pacioretty. Je peux pas croire que tu vas faire peur à ben des équipes. Tu sais, Pittsburgh ont deux joueurs dans le top 4. Là. Ouais, c'est... Ouais, moi, c'est vrai que c'est Crosby et Malkin. Ah ouais, mais Senosé en a un, deux... écoute, il y en a plusieurs. Là, il y en a quelques-uns. Là. T'as peu, je vais faire... Mais tu sais... Il y en a trois, tu sais. Ça, c'est sûr, mais... On va rediscuter beaucoup là, du statut de Galchenyuk, mais si Galchenyuk aurait eu ses 20 minutes par match, aurait été dans le top 50. On va y revenir. On va y revenir. Ouais, non, pas ça trop. Mais, tu sais, il y a eu certaines utilisations assez douteuses qui, on dirait, puis c'est plate, que Julien continue à utiliser. Là. Mais, en même temps, l'année prochaine, je pense que ça va être différent. En Syrie. Si Julien est capable d'amener l'équipe à un autre niveau, ce qui, honnêtement, moi, je trouve qu'il l'a fait un petit peu, là. L'équipe a beaucoup plus d'acharnement. Puis comme qu'on parlait d'Andrusha, il est plus libre, on dirait. Il est capable de sortir son épingle du jeu. Pacioretty, qui est beaucoup plus impliqué. Tu sais, c'est pas normal que Paul Byron ait presque 20 buts, là. on s'entend, là, c'est pas un scoreur de 20 buts, là. Mais on va le prendre. Il utilise bien ses joueurs, ses remaniements de trio, même si ça a fait un match soporifique, ça a pris les 6 dernières minutes de la game, puis on a scoré 4 buts. Là. Tu voyais pas le Canadien faire ça avant, tu sais. Je dis pas qu'on les prendrait pas. Je dis juste que dans un club élite, moi, c'est tu sais qui va performer en série. J'ai peur, là. Je suis vraiment pas confiant. Puis, traitez-moi de faux fan, là. Go, petit moi des roches, whatever, là. Tu sais, je m'en fous, là. Mais, force est d'admettre que, encore une fois, cette année, le Canadien de Montréal, ça aura été du patchage. Puis, ben, ça va donner un club qui va peut-être gagner une ronde. Mais pas trois, pas quatre. Tu sais, le gros trophée, c'est pas Montréal qui s'en vient. Pourquoi? Parce que manque plusieurs éléments, manque un peu de tout, tu sais. Il y a un peu de tout, mais il n'y a pas de tout. Fait que c'est ça. Tu vas passer dans les cracks, puis ça va donner ce que ça va donner, là. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, le Canadien sera en finale de l'Est. C'est un objectif accompli pour moi, personnellement. S'il sera en finale de la Coupe Stanley, c'est. Pour moi, c'est une mini Coupe Stanley. Je veux dire, parce que Montréal n'a pas le club pour se rendre là. À part si Carey Price se blesse pas et que Carey Price goal sa tête. Là. Ah, ça serait une très belle surprise, mais le but, c'est de finir deuxième. Non, effectivement. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais pareil, si le Canadien se rendrait en finale de Coupe Stanley, comme tu dis, ils n'ont pas le club pour se rendre là, c'est une maudite bonne surprise. Pour vrai. Ah ouais. Puis moi, je serais quand même un peu heureux. Déçu en maudit de pas gagner la coupe, mais. Je suis en train de me dire que je me contente de peu, finalement. Ouais. Ben, écoute, c'est tout, là. Moi, je n'osais pas le dire. J'ai lancé sur le Facebook de l'époque Dwight King, c'est comme Benoît Pouliot, mais moins de talent. Non, j'écris pas de talent. Et il y a Marc Penneau qui dit « Deux coupes de plus et vous demanderez à n'importe qui était aux alentours de cette équipe. King faisait partie des leaders là-bas. C'est un tank bâti pour les playoffs. Ne vous en déplaise pendant la saison. Je partage pas ce point de vue-là une seule miette. » C'est bien correct, t'as le droit. Mais en ce moment, c'est ce à quoi Dwight King me fait penser. Mon Marc. Puis, allez, écoute, ça fait réagir. Pendant que je lisais le commentaire, il y a Alexis Tremblay qui crie « A-t-on les mêmes attentes? À mon souvenir, Pouliot devait être un joueur qui pouvait marquer des buts alors qu'on n'attend pas la même chose de King. Donc, même si King performe comme Pouliot, on sera pas nécessairement déçu. » On l'a pitché pour pas grand-chose, Pouliot. Hein? Fait que, en tout cas, on attend puis ce qu'il a donné. Versus ce qu'on attend puis ce qu'il donne de King, on pas très loin. En ce moment, tu sais, King va peut-être se replacer à la fin de la saison. Puis si il commence à performer en série, c'est là que ça compte. On va être content puis on va faire notre phénomène d'Andrew Shaw. Tu sais, on va l'aimer un épisode, l'autre épisode on l'aimera plus. T'sais. Yo yo yo. Non mais pour vrai, ça se peut. Je veux dire. Il y a vraiment juste comme 4-5 matchs de jouer là, depuis. Là, c'est pas, ah oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Moi, je te dis qu'en ce moment, il me fait penser à Benoît Pouliot, mais pas de talent. Je dis pas qu'il va être comme ça tout le restant de la saison pour les playoffs. Puis on espère là, que ça va fonctionner, puis que pour le Canadien de Montréal, ça aurait été une bonne acquisition. Au pire, ça n'a pas coûté grand-chose. Au mieux, ça aura apporté ce qu'on espérait. T'sais. On verra bien. Là. Mais si on veut faire un show, faut bien avoir des affaires à dire. Effectivement. C'est comme une prémisse de base assez normale pour un show. Faut avoir des affaires à dire. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Écoute, j'avais vraiment une idée. Je sais pas, je te laisse aller, moi. Ah oui, ok, oui, je viens de retrouver. Excusez. C'est pardonné. On coupe. Non, c'est pas vrai. On fait du montage. oui, Dwight King a deux coupes. Andrew Shaw en a deux. C'est moi ou c'est un faux argument? À ben, tous les saisons, il y a un club avec 23 gars qui gagnent la coupe. Et puis je l'ai déjà mentionné, là. C'est pas tous des champions. Là. C'est pas tous les meilleurs, puis c'est pas tous des bons joueurs, puis c'est pas tous des leaders. Il y a du monde qui embarque dans le bandwagon parce qu'il passe. Il y a des moutons efficaces. Il y a des vrais leaders. Il y a des gars qui ont rien fait puis qui ils sont juste fait traîner puis ça a bien marché. Il y a tout pour faire un club. T'essaies d'avoir le plus grand nombre de joueurs de talent qui performent et de petites surprises qui vont t'aider à donner le petit coup de plus nécessaire pour te rendre jusqu'au bout. Mais c'est pas vrai que tout le monde est un champion dans l'âme puis va améliorer n'importe quelle équipe dans laquelle il va être. Je fais juste, tu sais, comparaison historique, OK? Est-ce que tu prends Henri Richard ou Gilbert Dionne en premier? J'ai pas vu les deux joueurs jouer. OK. Fait que c'est un peu tough. Henri Richard a le record de Coupe Stanley avec 11 en tant que joueur. Gilbert Dionne est dans le top 5 des pointeurs de l'histoire de la Ligue nationale, si je me trompe pas. Gilbert Dionne, on va chercher ça en ce moment. Pas une coupe. On va prendre Gilbert. Est-ce que j'ai mes deux morceaux de robot? C'est Gilbert. Non, c'est Marcel Dionne. Excusez. Écoute, je suis en train. Parce que Gilbert Dionne a une Coupe Stanley. Joueur moyen, là, très, très ordinaire. Et Marcel Dionne, lui, top 5 pointeur de l'histoire de la Ligue nationale. Pas une coupe. Lequel des deux tu prends? On va prendre Marcel. Voilà. Tu sais, ça veut rien dire, là. Tu prends-tu Raymond Bourque ou tu prends whatever key, là? Il y en a un qui n'a rien qu'une, puis l'autre, il y en a le nombre que tu veux, là, tu sais. À un moment donné, là, ça veut pas tout dire, les coupes. Pour moi, c'est un faux argument. Tu me feras pas à croire que Jonathan Toews est un meilleur joueur que... mettons Ovechkin. En termes de talent de joueur, parce qu'il y en a un qui a plein de coupes, puis l'autre, il y en a pas, tu sais. C'est pas vrai, là. Je prendrais Ovechkin dans mon club n'importe quand, en avant de Jonathan Toews. Pitchez-moi des roches, ça vous tente, là. Encore une fois, gâtez-vous. M'en fous, tu sais. Mais moi, je persiste et je signe. Le talent prime. C'est avec ça que tu gagnes des matchs de hockey. C'est avec du talent. Puis si t'en as assez dans un club, tu vas remporter des coupes. Faut faire du comparable contre du comparable, tu sais. Tu prendrais Weber ou Subban à la place. Ben, c'est donc, parce que là, ça... Oui, mais c'est parce qu'on englobe le... Ben, OK, prenons-le. C'était parce que je suis parti pour dire, hein, le contrat, les années, blablabla, l'âge. Mais juste une affaire, là. Weber, à quel âge? Il a 30 ans? 31. Mais non, je pense que c'est cet été qu'il va avoir 31. Chez Weber, t'as vu. Chez Weber. OK, DB, mon ami, je t'aime. Il est 31 en ce moment. Bon. Bon, j'avais raison. OK. Souben en a 27. Weber a jamais gagné de coupe en ce moment. OK? Souben non plus. Mais Souben est 4 ans en avance. Il a 4 ans de lousse. Quand il va arriver à 31, on pourrait dire au même âge, Souben a, s'il a gagné une coupe, alors qu'au même âge, Weber n'en avait pas. Souban est en avance sur Weber dans ce là-dedans. Les deux, ils n'en ont pas, là. Mais au moins, le temps joue à la faveur de Souban. Comme, je pourrais dire, ben, Henrik Lundqvist ou Picariné sont des excellents gardiens de but, mais sont moins bons que Carey Price parce que Carey Price a encore du temps pour les rattraper pour aller gagner le fameux gros trophée. Parce qu'il est plus jeune, tu sais. Ouais. Fait que je prendrais Souban avant Weber parce que le temps joue à l'avantage de Souban. Si on dit que le talent est à peu près le même entre les deux joueurs. Le but, c'était ça, là, c'est de comparer deux talents quasiment égales. Là. Je cherche la question que je vais te poser sur les deux et que tu vas me dire chez Weber. Mais ça impliquera toujours un contrat de 9 ans pour un gars qui a 31 ans. Ouais. Sylvain Rioux qui nous dit « King est un gros gars qui joue petit. Un Travis Moyen, finalement. » Mais écoute, on n'est pas loin. Travis Moyen ou Benoît Pouliot, pas de talent. Pas mal la même affaire. Ouais, mais Moyen, the great. Ah, Moyen. Et lui aussi, il avait une coupe. Ah ouais, non. Mais ça, l'argument des coupes, j'ai peut-être même déjà sorti, là. Ça se peut. Mais c'est vrai que dans un argumentaire, quand tu sors ça... C'est parce que t'as rien d'autre à dire, là. C'est comme dire, les nazis faisaient ça aussi. C'est un Godwin point, là. T'sais. C'est le Godwin point du hockey, là. Ah, il a gagné une coupe. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, la coupe, là, c'est pas Andrusha pis Dwight King qui l'a gagné, là. C'est Leon Kopitar, Toews, Kane pis Crawford pis tout, là, tu sais. Jonathan Quick devait avoir un petit peu sa part dans la victoire, tu sais. Écoute, là, mon Sylvain, il est décollé à la discussion. C'est malade. Je lisais Sylvain Rioux. On va continuer, là. Marc Pedneau qui répond, quand il jouait pour les Kings, bizarrement, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Les mémoires sont courtes. Et Sylvain Rioux dit, qui a déjà dit ça? Puis anyway, c'est un gars de quatrième ligne. Faut pas s'attendre à grand chose. Martinson est plus intéressant. Davidson a un beau potentiel, mais on lui préfère quand même Emeline. Sylvain, je suis d'accord. Ah non, je suis d'accord avec Sylvain et moi avec. Yeah. Parlons d'Alexis Emeline. Parce qu'on va avoir une continuité avec ce qu'on disait par rapport à l'âge. Puis où est-ce que t'es rendu dans ta carrière versus ton âge? J'ai eu un gros débat cette semaine avec quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter, là, ou, peu importe la plateforme, là, où est-ce que la personne elle disait Nathan Beaulieu, c'est un flop. Là, je me disais, ben voyons donc, un flop, de quoi tu parles? Il y a 23 ans. Il y a 24 ans. Écoute, j'ai fait mes recherches. Il y a 24 ans. Et là, je comparais avec Alexis Emeline. Emeline a 30 ans, OK? À l'âge de 24 ans, Alexis Emeline jouait sa première saison dans la Ligue nationale. En 67 matchs, 3 buts, 4 passes pour 7 points, 30 minutes de pénalité et moins 18. À 24 ans, là, le même âge que Nathan Beaulieu. À 24 ans, Beaulieu, en 63 matchs, 2 buts, 21 passes pour 23 points, 33 minutes de pénalité et plus 7. Donc, au même âge, Emeline était vraiment moins bon que Nathan Beaulieu. Mais il frappait. Ah, écoute, c'est tellement hot de frapper. Là. 4,5 millions par année. En plus. En plus, écoute, tu commences à connaître ma façon de penser, mon Jerry. Tu devances mes arguments. Et donc, moi, le sortir tout de suite. Est-ce que, au même âge, à 24 ans, là, Beaulieu est meilleur que Emeline? Oui. Est-ce que si on met 1 à 30, Emeline dans le cas présent, et Beaulieu à 24 ans, est-ce que, à son salaire, Beaulieu est 4 fois moins bon que Emeline. Parce que c'est 3 fois, excusez. Est-ce que Beaulieu est 3 fois moins bon que Emeline? Parce qu'il y en a un qui est à 4 millions puis l'autre à 1,1. Ouais, mais non. La réponse, c'est non. Fait que c'est fois 4 en plus. Écoute, je suis en train de diminuer moi-même mon argumentaire. Donc, est-ce que Nathan Beaulieu est un flop? Non. Puis d'ici l'âge de 30 ans, est-ce que ça se pourrait que lui aussi finisse par évoluer comme défenseur numéro 2 dans un club avec un défenseur étoile qui compense pour certaines de ses gaffes? Peut-être. On le sait pas, il est pas rendu là encore. Mais moi, je suis loin de jeter la serviette. Les gens qui disent que Nathan Beaulieu n'est pas le défenseur offensif qu'on nous disait lorsqu'il était repêché, Faites-le. Écoute, on va le faire ensemble. OK, t'inquiète là. On se permet. OK, mon Jerry? J'ouvre HockeyDB pour le draft. OK? Nathan Beaulieu a été repêché au 17e rang du repêchage de 2011 comme défenseur. 214 matchs, 55 points en carrière. Après lui, si tu veux un défenseur, OK? T'as Connor Murphy avec Phoenix qui a 243 matchs pour 47 points. Donc, un prorata de points par match plus bas que Beaulieu. Et ensuite, tu scrolls, jusqu'au bout. Il n'y a pas de défenseur dans cette QV-là meilleur que Nathan Beaulieu à 24 ans. Parce qu'ils ont tous 24 ans. Là. Ils ont tous eu le même laps de temps pour jouer dans la Ligue nationale. Dans les défenseurs repêchés après lui, il n'y en a pas un de meilleur. Donc, si tu repêches un défenseur au 17e rang, ton meilleur choix était Nathan Beaulieu. Et même si tu repêchais plus tôt, au 14e rang, Jamie Oleksiak, un défenseur des Stars de Dallas, moins bon, 110 games, 19 points. Ryan Murphy avec la Caroline, 144 games, 37 points, moins bon. Duncan Simmons, un match. Après ça, t'as Brodin avec Minnesota, qui est meilleur. Mais il était repêché 10e, tu sais, t'espères de pas te tromper. Après ça, Dougie Hamilton, qui est meilleur. Ouais, OK, j'en conviens. Puis Adam Larson, Nathan Beaulieu, dans sa cuvée, est le quatrième meilleur défenseur. Et il n'y en a pas un meilleur que lui, repêché après lui. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que le quatrième meilleur défenseur d'une cuvée peut vraiment être un flop? Dans une année de marde, oui, peut-être. Mais là, c'est pas le cas, là. C'est une année correcte, sans plus. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire, certainement. Beaulieu n'est pas un flop. Tu peux pas dire que c'est... Tu ne peux pas connaître ton hockey. Tu ne peux pas venir dire... laisser croire que tu as un argumentaire solide en disant que Nathan Beaulieu est un flop. Peut-être il n'est peut-être pas à la hauteur des attentes que tu avais en lui. Peut-être que tu le voyais comme un défenseur numéro 1 ou numéro 2. Oui, c'est vrai, il est pas rendu là. Mais il y a une marge entre un flop et être pas dans la Ligue nationale et être dans la Ligue nationale et pas numéro 1, numéro 2, tu sais. Non, c'est sûr. Pouce, mais pouce égal. Là. C'est comme quand tu avais déjà dit qu'Alexandre Degg, c'est pas un flop. Même si c'est poussé comme étant l'un des plus grands flops de la Ligue nationale, puis je suis d'accord avec toi, c'est pas tant un flop, là. Il y a des saisons de 60 quelques points, puis. Ben oui. C'est pas un flop, là. Un flop pour moi, c'est premier, puis il joue 6 games dans la Ligue nationale, puis il fait 2 points, là. Ça, c'est un flop. Puis à la grandeur du repêchage, année après année, t'as à peu près un joueur sur deux qui va jouer. Donc, dès que t'atteins un match dans la Ligue nationale, pour moi, je considère ça comme un succès. Pas nécessairement un grand succès, mais au moins t'as atteint. T'as joué dans la Grande Ligue. Au moins ce que 50% des autres gars n'ont pas atteint. Après ça, de t'établir, d'être, tu sais, coup-ci, coup-ça, tu sais, je pense, entre autres, tu sais, je disais tantôt, défenseur qui était avant Beaulieu, excuse-moi, j'essaie de le retrouver, Jimmy Oleksiak, tu sais, 110 games, 19 points, là, fait encore la navette, Ligue américaine, Ligue nationale, un genre de Tino Eddy, là. C'est un gros bonhomme aussi, puis qui tarde à se développer. Peut-être qu'il va être bon éventuellement, mais tu sais, ça aurait été super long. Est-ce que ça valait la peine de le repêcher avant Beaulieu? Ben non, tu sais. Finalement, Beaulieu aurait été un meilleur choix pour eux autres, là. Fait qu'avant de dire qu'un gars est un flop, un, mêlé dans le contexte de ta propre équipe, avec le comparable que là j'ai utilisé qui est Beaulieu, qui est Méline, qui est pas le plus grand joueur, là, mais qui a quand même été numéro 2 dans ta brigade près de 80% des matchs depuis le début de la saison. Puis après ça, comparer, là. Dans le bassin de joueurs qu'il y avait disponible au repêchage, avec des autres gars de son âge, avant et après lui, ça ressemblait à quoi? Facile de dire que, ah, t'as le joueur, t'es repêché. Ouais, mais c'est quoi les comparables, tu sais? C'est quoi le pourcentage de réussite de chaque formation? Il y a un ensemble dans tout ça, là. Timmins est de moins en moins bon plus les années avancent, mais il est pas le pire non plus, là. Puis il fait pas juste des mauvais coups. Puis les mauvais coups qu'on highlight, là, qu'on remet en caractère gras, souvent sont pas ses pires coups. Beaulieu, c'est pas un flop. Ben moins que d'autres joueurs que le Canadien de Montréal a repêché, qui se sont juste jamais eux autres rendus dans la Ligue nationale. Puis qu'on n'a juste jamais entendu parler. Fait que c'est pas sexy de dire que c'est un flop, tu sais. Mmh. Donc. Bon, Beaulieu. Il n'aime pas encore lancer un prime en plus. Ah non, c'est ça. Puis pour vrai, là, tu compares comment ce qu'Eminine a joué le match contre Edmonton versus Beaulieu, puis je prends Beaulieu bien avant, là. Ben, c'est même pas proche, là. Ben oui. Moi, Eminine, là, de plus en plus, il creuse. Oh, puis la terre va y retomber dessus. Pour vrai, c'est fini, là. En tout cas, il faut qu'il se replace parce que il y a des latences dans son jeu, mais t'as même pas idée à quel point, là, comment qu'il manque des shots. Il est tout le temps hors position. Il a plus la vitesse. Tu sais, on chiale qu'un Weber et un Markov, là, c'est lent, là. Mais je m'excuse, mais Weber et Markov, là, ensemble, tu sais, oui, des fois, ils se font pogner, là. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est plus intelligent, c'est. Ouais. Ça paraît, là, qu'ils ont de l'expérience, tu sais. Ouais, ouais. Alors, ils compensent. Plus, tu sais, ta prise de décision est tellement ordinaire, là. Ouais. Tellement. Avais-tu d'autres choses pour nous autres, Jerry? Ouais, ben, je veux parler d'une affaire. Je trouve ça drôle parce que dans les coulisses, on publie une vidéo aujourd'hui. Oui. Puis, hey, ça va être dur à expliquer, par exemple, en audio. Oui, mais je vais essayer de le faire, OK? Imaginez que le jeu se passe dans la zone du Canadien de Montréal. Les Oilers enlèvent leur gardien de but. C'est 3-1 pour le Canadien de Montréal. Patchouli joue contre l'attaquant, enlève la rondelle à l'attaquant. T'as Paul Byron collé sa bande, puis entre lui et Patchouli, il y a deux joueurs qui sont, je te dirais, couvre partiellement l'angle de passe à Paul Byron. Écoute, c'est pas partiellement, c'est pas même mal plus. Tout, attends, okay? Paul Byron commence à patiner comme seul Paul Byron est capable de le faire et te clenche une course, puis t'as Pacioretty qui patine à la gauche. Comme je dis, il y a deux joueurs là, des Oilers entre lui et Pacioretty, entre lui et Byron. Puis Pacioretty décide de tirer au filet et de compter son deuxième but du match. Paul Byron, à ce moment-là, en avait deux. Donc, si Pacioretty aurait fait une passe à Byron, qui aurait peut-être mis dedans, ça aurait fait un troisième but, donc un tir... pas un tir, un tour du chapeau. Ouais. Là, les gens, il y en a qui chialent et qui disent que notre capitaine, Max Pacioretty, a été vraiment selfish pour scorer un deuxième but dans un filet désert dans le match, tandis qu'il aurait pu faire une passe à Paul Byron pour un taux de chapeau. Et moi, j'ai une question. Ouais. Un taux de chapeau ou une chance d'atteindre 40 buts? Quoi entre les deux? En fait, moi, je te dirais, dans les deux cas, on s'en calisse pas mal. C'est la bonne réponse! Non, mais dans deux joueurs entre les deux! Oui, mais non, mais qu'il y ait des joueurs ou pas, là, mettons qu'il n'y a pas de joueurs, puis ils tirent pareil, là. Ok, je peux comprendre, là, t'es censé être gentil, puis au Québec, on est élevé de même, là. Je partage! Mais le but, c'est de carrer, puis de faire en sorte que la victoire soit acquise. Les deux points du match sont bien plus importants que toutes les autres affaires. Ensuite, Max Pacioretty qui atteint 40 buts, là. Ça va-tu changer quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'il va demander un plus gros salaire à son prochain contrat? Non, pas. Je pense pas que ça change grand-chose. Paul Byron, réussir un tour de chapeau dans sa carrière dans la Ligue nationale, ça va-tu changer de quoi? Non. Bon. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner sa vie le plus longtemps possible parce que avec son physique, le type de joueur qu'il est, le moment qu'il ralentit, il est out. Là. C'est pas des mains incroyables. C'est qu'il bat tout le monde de vitesse puis c'est ce qu'il permet de s'en sauver. Tu sais, un but de plus, un but de moins. Non, lui, ce qu'il veut, c'est des années de plus de carrière dans la Ligue nationale. Il veut avoir d'autres occasions d'en marquer des buts. Sans sac, là. La seule personne qui care d'avoir un tour du chapeau dans sa carrière, c'est Georges Larac, là. Que pour un Groon, c'est un exploit d'avoir un tour du chapeau. Pour un Paul Byron, c'est pas un exploit, là. Il y a 18 buts d'une saison. Ça change rien, là. À part le petit fame, là. Puis je pense que ça inquiète ou ça stresse bien plus le monde qui regarde le Canadien que les joueurs eux-mêmes. À la fin du match, là, les deux sont serrés dans le bras pour fêter la victoire. Oui, c'est tout ce qui compte, man. Ils ont scoré, là, les deux Tessa Adlas. Sont-ils tapés une petite tapoche chez Fafoun? Oui, c'est tout ce qui compte. Le reste, je m'en fous pas mal. Ah, arrêtez, là. On dirait les feux de l'amour, mais du hockey. Les feux de l'amour du hockey. Dwight King, son chien s'appelle Al, fait que c'est sûr qu'il est heureux d'être à Montréal. Ah, Pacioretty a pas passé, là, à Byron, c'est donc bien pas correct. Fait que là, check bien ça, là, dans deux semaines, on va avoir le jumeau d'un joueur qui va apparaître, là. Le jumeau maléfique qui va débarquer. Hey, je suis Steve, le frère de Max. Je suis dans l'équipe maintenant. Tu vas partir avec la blonde de Nathan Beaulieu, check ça, là. Ça s'en vient. Non, calmez-vous, là. On n'est pas dans l'an 50, là. Ah, là, OK. C'est juste ça. C'est, là, OK. Rencontre des dirigeants de la Ligue nationale, des DG, la semaine passée à Boca Raton. Semble-t-il que le plafond salarial pourrait augmenter de 3 millions. Fait que ça va permettre aux DG de plus se tirer dans le pied. Cool. OK. Ensuite, papier dans la presse. Je fais juste un petit tour des nouvelles de même. Là. Papier dans la presse. Marc-Antoine Godin qui a fait une entrevue avec le père de Carey Price. Et là, il a dit que... Je le cite, OK, le père de Carey Price. Jerry, hein, soit dit en passant. Ouais, beau nom. Jerry Price. Avoue que ça sonne bien. Jerry Price, en vedette dans ce nouveau film d'action. Donc, Jerry, ça sonne bien. Ah oui, Jerry, ça sonne, c'est écœurant. Donc, il dit, il vient d'une toute petite place, une communauté reculée. Mais Carey, c'est un gars résilient. Ça veut dire que t'acceptes, tu finis par passer par-dessus puis t'acceptes ton sort. Fait que je sais pas si c'est positif. Fait que, on continue. Il a mûri, il s'est développé et il s'est habitué à son environnement. Dans notre environnement, nous aide à grandir. Montréal fait partie de sa vie depuis presque la moitié de sa vie. La ville, les fans et l'équipe sont tout autant une partie de lui que lui l'est pour eux. Il a contribué à la ville et à l'équipe et en retour, elles ont contribué au fait qu'il a pris de la maturité. Beau petit message d'amour du papa. Et là, ben, on a vu... je salue nos amis du Dans les coulisses. Dire que ça, c'est un signe que Carey Price veut rester à Montréal. Là-dedans, là, vois-tu quelque part ça dit « Carey Price va re-signer à Montréal? » Non. En tout cas, moi, j'ai pas lu ça, là. Si on lit entre les lignes, ça veut-tu dire ça? Ça peut calmer les médias, hein? Ça peut calmer les médias, pour vrai. Imagine, OK? On fait le scénario inverse. T'as une entrevue avec Jerry Price. Et en entrevue, il dit « Montréal, c'est vraiment de la merde. Mon fils veut calisser son camp. Vivement la fin de son contrat au plus gris. » C'est la fin! Non, mais... Montréal explose, man. Verrais-tu ça arriver? Hein? Quelqu'un qui a un moindrement un quotient intellectuel adapté à notre société et qui a un fils qui joue dans la Ligue nationale, ira pas chier sur l'équipe pour laquelle son fils joue, à moins qu'il y ait vraiment du trouble depuis longtemps entre l'équipe et le joueur. Là, calmez-vous les symboles astrologiques, la fée clochette, les dames qui lisent dans les lignes de la main, les poches de thé, whatever, les signes du futur que ça te tente de lire. On le sait pas, OK? Pis c'est pas cette citation-là qui va nous dire que Carey Price va rester ou non. Ce qu'il va nous le dire, là, c'est quand il va mettre son nom au bas d'un contrat ou qu'il va crisser son camp. C'est assez clair? D'ici ce temps-là, ce ne sont que pures spéculations. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je sais pas quoi dire, finalement. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Ça pourrait faire un bel épisode pareil. Hein, les feux de l'amour à Montréal. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on s'entend que Jerry Price, ça fait vraiment drôle de dire mon nom. Jerry Price. D'après moi, il y a peut-être quasiment eu un texte aussi qui a été fourni. Là, je veux dire. T'as le beau chat qui tapait ça le matin. On n'avait pas parlé de la mafia du Canadien qui contrôle les médias. Ça se pourrait quasiment, tu sais. Mais oui. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a de quoi qui avait sorti, il me semble. Je me souviens juste pas. Puis ça, c'était une affaire, man. Faut que je me souvienne. Je m'excuse, mais si vous nous écoutez, je veux vous mentionner. C'est juste que j'ai aucune idée où c'est que j'ai pris ça. L'Internet. C'est flou, mais c'est assez précis quand même, l'Internet. Ouais, c'est ça. J'avais vu quelque part que Charles Hudon s'était fait dire qu'il ne remonterait pas en haut jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'à la date, c'est ce qui arrive. Il ne remonte pas, puis on comprend pas pourquoi. Tu sais. Et Marc Bergevin qui dit à la presse qu'il n'est pas pressé. Que présentement il aime le club comme qui est, qu'il voit pas pourquoi il voudrait voir Hudon en haut. Ben, c'est la fameuse citation qu'on avait parlé sur le dernier show où est-ce qu'il avait dit ben regardez là, Plekanec, il a eu une belle carrière au passé. Ouais. C'est ton plus gros salarié à la taxe, hein? Oui, vas-y, vas-y. Mais c'est ça, c'est. Il aurait dit clairement à Hudon que c'est pas pour cette année. Qui resterait en bas, mais à la presse, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Tu sais, il cache. Il nuance ses propos, mettons, puis il dit pas clairement, genre, ah, Hudon montera pas cette année, tu sais. Mm-hmm. Parce que le fan veut espérer voir Hudon monter en haut. Il performe en bas, le Canadien performe, oui, mais il y a pas beaucoup de buts. Puis là, présentement, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Pourquoi Hudon est pas en haut? Il me semble que je rappellerai Hudon. Tout pointe vers Hudon, tu sais, je veux dire. Ben, dans un club qui marque pas ou pratiquement pas, pis t'as un gars qui a un point par match en bas, tu sais, jamais donné, là. S'il rappelle de la rose, je pète mon ordi. Non, fais pas ça, faut pouvoir enregistrer, faut pouvoir chialer sur le fait qu'ils ont rappelé de la rose. Ouais, une bonne. Fais pas ça! Fais pas ça! Mais, Mais non, c'est l'Omerta. C'est bien plus un film de mafia, le Canadien, que Les Feux de l'amour, avec Jerry Price. Et j'aime tellement ce nom-là, Jerry Price. On dirait toi qui a fait de l'amour avec Carrie. Et Ça, c'est weird. Ça aurait donné un bébé. Je sais pas qui l'aurait porté. T'es à combien tième de bière, toi, là? Ah non, c'est ma première, c'est ça le pire. Mais en fait, je me dis qu'on... Je me demande qui aurait porté le bébé. J'espère que ça aurait été toi. On a besoin de Carrie. Ouais, c'est ça. OK, bon. Je reviens au sérieux. Je suis fatigué, man. Ça paraît. On coupe ça là. Fuck off le reste. OK, question du public. Pierre-Olivier Doucette, qui est connu dans son coin comme étant le prince de Dolbeau. Oui, madame. Qui nous demande, justement, moi, j'aimais bien Dwight King avec les Kings, mais que se passe-t-il avec lui dans l'uniforme du CH? La réponse, rembobine le show, Carlis. J'aime tellement ça, je sens ce genre de questions-là. Ah, j'adore ça pour la joke. Je fais tout le temps un bain, en plus. Alexis Détremblay qui dit, est-ce que vous trouvez normal les performances canadiennes lorsque ce n'est pas Price qui garde les buts? Tu sais, encore une fois, Al Montoya, c'est lui qui a mangé à dégeler de 5-0 contre Calgary. Pourtant, ça a été le meilleur joueur. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu peux pas chialer contre lui, tu sais. Mais non, c'est... Ben, vas-y. Non, mais il y avait des histoires de flux, là, ça, de maladies ou de virus, ouais. Là. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est vrai, là. Je sais pas, il me semble que l'équipe était vraiment à plat, là, je veux dire. C'est juste plate que quand ça va bien, y a pas l'excuse que la fatigue l'est là, mais on a gagné pareil. Mais quand ils perdent, on va voir, les joueurs étaient fatigués, pis... Ouais, mais... Je sais pas, il me semble que c'est poche comme excuse, t'sais. Ils ont juste pas joué. Pis t'sais, devant Price doit amener une confiance supplémentaire qu'Al Montoya n'a pas nécessairement. On s'entend que c'est Carey Price. Tu peux pas vraiment te permettre une erreur défensive de plus quand c'est Montoya. Tu peux pas te dire, ah, d'un coup que... Carey Price t'échappe la rondelle, à la limite, tu dis, Carey Price est là. Fait que de ton gros du temps, tu te fais rattraper. T'sais, Emlyn devait paraître bien en maudit des fois parce que, justement, Price l'arrêtait, tu sais. C'est un peu ça qu'il a fait hier des fois, sauf sur le but où que Lucic a scoré. Ouais. Mais... Je pose encore une fois la question. Okay. Avec les Kings, un certain gardien de but en 53 matchs, 27-23 sur ses chiffres, 2.12 et 917 de pourcentage d'arrêt. Et un autre gardien de but que je prends au hasard là, avec Ottawa, en 35 matchs, 18-11-5, 2.55 et 912 de pourcentage d'arrêt. Ou Al Montoya avec ses 18 games, 8-6-3. Il y a plus de, ouais, il y a plus de défaites que de victoires. 2.72 en termes de moyenne de buts accordés et 910 de pourcentage d'arrêt. Lequel des trois prends-tu? Je prends Boudaille. Parce qu'on l'avait déjà. Mais oui, et puis Condon aussi. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, Condon, à la limite, aurait été en bas. Boudaille aurait été encore en haut. En fait, Condon, t'aurais pu leur signer pour pouvoir le rééchanger par après. À 26 ans, tu demandes une très, très bonne monnaie d'échange. Ben, c'est ce que les Pingouins ont fait. Oui, exactement. Mais encore une fois, c'est pourquoi tu regardes pas le talent dans ton club? Pourquoi tu l'évalues mal de même? Puis là, ben, on parle de ces trois gars-là, là, mais il y en a d'autres là, qu'on a vus et qu'on a déjà parlé et qui évoluent pour le Wild du Minnesota de ce temps-là. Ben oui. C'est ça. Fait que Marc Bergevin est avec nous pour nous expliquer. Oui! Entrevue de fond! Ça serait nice. Ça serait vraiment nice. Mais bon. Mais il viendra pas sur un podcast certain. Il va même pas à TV. OK. Dernier petit sujet. Là, on a fait les questions du public. J'ai gardé la cerise sur le gâteau pour la toute fin. On dit souvent à Montréal, puis le DG Marc Bergevin s'amuse à nous dire ça, ça va au mérite. Faut qu'un joueur tasse, tu sais, qu'un jeune tasse un vétéran, puis c'est le même, ça fonctionne dans la Ligue nationale. Faut que tu nous forces à prendre des décisions. Et donc, je me suis amusé à regarder la fiche de deux joueurs depuis l'arrivée de Claude Julien à la barre du Canadien de Montréal, soit depuis le 18 février. Tomáš Plekanec dans le coin gauche et Alex Galchenyuk dans le coin droit. En 11 parties, Alex Galchenyuk a une moyenne de 16 minutes de temps de jeu. Il a 3 buts, 7 passes, 10 points, un différentiel de plus 1. Tomáš Plekanec est à une passe pour 1 point, différentiel de moins 2. Et une moyenne d'utilisation de 17,26. C'est vrai, il n'y a pas les trois derniers matchs étant blessé. Alléluia. À la limite, ça aurait augmenté sa moyenne. Ouais, exactement. Ma question est, ça va prendre combien de temps avant qu'on décroche puis qu'on arrête de donner des chances? Longtemps? Moi, je suis tanné. À tous les fois qu'il embarque sa glace, là, je jure. Je crie des jurons. Je suis pas gentil. Je perds mon ciel, là. Moi, je fais une bonne vie, là, mais je peux plus accepter ça, là. J'essaie de faire attention de pas dire des méchants mots. Mais là, non, plus capable. Je vais me faire juger par les petits Jésus, moi. C'est pas fin, ça, là. Mais tu vois que ça allait dans le bon sens, là. Le dernier match qu'il a joué, 14 minutes 39, là. Ah, OK, dans ce... ouais, non, tu m'as feinté, mon coquin. Tu m'as feinté. Ça allait dans le bon sens, pour vrai. Ça y allait, ça y allait. Il y a trois matchs qui n'étaient pas là. Peut-être qu'elle allait donner un 12 minutes, là, tu sais. Ah, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, pendant que Plekanec n'était pas là, le temps de jeu de Galchenyuk a eu un 14-16 lors de la défaite contre Calgary. Le gars, il a... quasiment un point par match. T'es en train de perdre 5-0. Puis tu benches ton meilleur attaquant? OK, peut-être ton deuxième. Mettons Pacioretty avant. Ton deuxième meilleur attaquant? Non, mais parce c'est que Radulov, t'es pas là. Byron aurait dû être sur la glace. Mettez Byron! Mettez Mitchell! Mettez King! Mettez les tout sauf Galchenyuk! Il y a quelque chose, d'après moi, qu'on ne sait pas, man, sur Galchenyuk, parce que pour vrai, là, pourquoi? Le pain, c'est con, là, mais quand il met trop longtemps sa glace, on chiale parce qu'il y a des erreurs défensives, il y a ci, il y a ça, il fait peut-être pas autant de points, mais quand il y a des temps de glace de 14 minutes, 15 minutes, on dirait que c'est là qu'il fait tous ses points. Là, je compare pas avec Plekanec, parce que Plekanec, tant qu'à moi, tu le ferais juste pas jouer. Mais même si ça serait quelqu'un d'autre, là, tu fais quoi avec Galchenyuk? Tu continues-tu à l'utiliser autant peu, puis qu'en même temps, il performe? C'est ça qui... Ouais. Le 25 février dernier contre Toronto, il y a un but, une passe, 16 minutes 42. Je fais juste relever là, ces matchs de plus de 1 point, OK? Il y a deux passes contre les Rangers le 4 mars, 14-27. Ensuite, on recule là, le 20 janvier, un but, deux passes contre le New Jersey, 15-28. Je recule encore. Un but, une passe contre Ottawa le 22 novembre, 19 minutes 40. Ah ben, OK, ça commençait à avoir l'air d'un attaquant de premier trio. Contre Boston le 8 novembre, il y a 2 points, 15-40. Contre Détroit, deux jours plus tard, 2 passes, 16-32. Contre Toronto le 29 octobre, un but, une passe, 14-11. Mais c'est là. C'est là que tu vois, il y a un match à date qui a fait 17 minutes ou 18, là, que t'as dit. Là. Ouais. Tout le reste, c'est dans le 14-15. Puis il performe. Fait que c'est ça, moi, que je trouve. Tu sais, oui, on chiale tout le temps sur son temps de jeu, là. Sauf qu'en même temps, quand il joue pas autant, il met des points au tableau. Mais ce que je peux voir, c'est que les unités spéciales, donc des avantages numériques, il n'est pas sur la glace. Donc, un match où est-ce qu'il y a plusieurs pénalités, ça diminue son temps de glace. Fine, c'est correct. Mais en même temps, là, sacrez-moi pas Plekanec pour compenser, là. Non, c'est sûr. il y a sûrement d'autres joueurs qui sont meilleurs que Galchenyuk en défensive, puis ça, faut pas se le cacher. Oui, Galchenyuk a des lacunes défensives. Je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que pour autant, ça fait de lui un moins bon joueur d'attaque? Non. Comme tu viens de mentionner, il va avoir moins de temps de jeu si il y a beaucoup de pénalités de la part du Canadien de Montréal. Tu sais, mettons que tu fais... Faudrait quasiment regarder les moyennes des pénalités que le Canadien a par match. Pis ça, c'est facile, un 2 minutes de moins sur la fiche de temps de Galchenyuk. Si t'en as 4, c'est une possibilité de 8 minutes de moins. Ça paraît, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là, pis on dirait que ça vient de me popper, parce qu'on chiale souvent sur le temps de jeu de Galchenyuk, mais en même temps, on est obligé d'admettre que même s'il y a des 14, 15, 16 minutes, il en met des points. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire avec lui? Peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, une des affaires qu'on mentionne beaucoup sur Galchenyuk, c'est qu'au point de mise en jeu, il gagne pas ses mises en jeu. C'est vrai. Je regarde le dernier match, 67% de mise en jeu gagnée par les Oilers contre 33% pour le Canadien. Ça a fini combien? 4-1. Ben c'est ça. C'est pas important à ce point-là. C'est pas essentiel. Oui, à certains moments, il y a certaines mises en jeu critiques que tu veux gagner. Mais ça ne fait pas foi de tout, là. Mais mettons là que tu dis que 33% de mises en jeu sont gagnées. Si ce 33%-là, là, c'est toutes des mises en jeu défensives. Est-ce qu'on va t'en chialer? Non, c'est ça. Les mises en jeu en zone neutre, là. On non, mais fout, c'est ça. C'est vrai que c'est con, parce que là ça, on embarque dans une espèce de calcul mongol de calculer toutes les mises en jeu qui ont été gagnées sur chaque surface, là, mais ça reste quand même que c'est ça. T'sais. Là, ce qu'on parle, c'est des gros chiffres. Là. 67 contre 33, c'est mauvais. Mais si c'est 33 que tout a été gagné dans la... Tu sais, mettons, si tu dis que c'est 100% défensif, il y en a peut-être comme 10% en avant. Mm-hmm. C'est win-win pareil. Parce qu'ils ont quand même gagné 4-1, tu sais. Puis tu sais, Ovechkin avant, là, c'était quoi? C'était pas un joueur défensif. Zéro but de mort. Mm-hmm. Là, il a changé, mais en même temps, le gars vieillit. Le gars change. Le gars est même pas dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la ligue. Il est comme 24e ou 25e. C'est ça. Même. Est-ce qu'on chiale encore? Non. Check les caps sont où? Exact. C'est Guy Boucher, l'été passé, quand quand moi j'ai fait les jeux de la communication avec l'université, donc à peu près, tu sais, genre la semaine de relâche. Guy Boucher, en entrevue, avait parlé un peu de ce que la formation des Kings avait fait avec Kopitar. Ce que la formation des Red Wings de Détroit avait fait un peu avec Zetterberg. Puis, dans le fond, ce qu'il racontait, puis c'est probablement une de ses meilleures entrevues, puis Dieu sait comment est-ce que ce gars-là, il est bon avec le micro, là. Donnez-y une job dans les médias au plus sacrapant, au plus maudit quand il sera plus en arrière d'un banc de la Ligue nationale, parce que c'est du bonbon, écoutez. D'ailleurs, il a pas peur de se critiquer lui-même quand il arrive des affaires. Il a pas peur de dire les blessures, il a pas peur de dire ces affaires-là. Et pourtant, son club réussit quand même très, très bien. Talonne le Canadien de Montréal, puis tout va bien. Fait que là, Merta, pas besoin. Donc, je reviens au sujet de cet entretien-là. Et il racontait comment est-ce que, à un moment donné, ces équipes-là ont eu besoin de passer au prochain niveau. C'est beau avoir du talent. Je suis le premier à dire que ça prend du talent. Okay? Ça en prend toujours plus. T'as jamais trop de talent. Il y a des manières, par contre, de l'utiliser. Et ces formations-là, à un certain moment, en sont venues au point où est-ce que le talent est là, offensivement. Mettre des points au tableau de façon individuelle, c'est bon. Ça fait de quoi de bon. Tu peux gagner grâce à ça. Mais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, la défensive est tellement importante que si tu veux le bien de ton équipe, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de couper les coins ronds en défensive pour pouvoir te porter en attaque et grossir ta fiche offensive à toi en tant qu'individu. Et donc, il racontait comment est-ce que le processus s'était fait avec Kopitar et avec Zetterberg, comment est-ce que ces gars-là avaient acheté le concept d'équipe pour en venir à devenir meilleurs pour leur formation. Au-delà des points au tableau, au-delà du fame personnel, au-delà, il avait parlé de Taze aussi, tu sais, que Taze est capable d'en mettre, tu sais, il prend en mettre un point par match par saison, là, facilement, mais qu'il se sacrifie sur le plan individuel pour l'équipe au niveau de la production offensive. Et Alex Ovechkin, depuis deux saisons, Barry Trotz a été... Puis je le sais que tu l'aimes en plus, Barry Trotz, comme coach, mon Jerry. Fait que, chapeau là-dessus, là, c'est une belle réussite pour lui. Alex Ovechkin a compris le concept d'équipe. Il est aussi bon. Il est aussi performant. Il est juste pas à faire les mêmes petits détails qu'auparavant. Il est plus en train d'être déjà sa deuxième vitesse... En train d'essayer de s'échapper vers la zone adverse alors que son club n'a même pas rondelle en zone défensive. Non, non, il recule plus profond. Il est là pour faire la sortie de zone. Mais ça le met plus loin du but de l'autre équipe pour pouvoir la mettre dedans, par exemple. Mais qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne que la fiche des Caps n'a jamais été aussi bonne. Ça fait en sorte que la formation des Caps de Washington n'a jamais été aussi dangereuse à l'aube des séries. Oui, il est plus dans le top 30. Oui, il est dans le top 30. Il est plus dans le top 10. Oui, il est plus dans le top 5. Mais il va peut-être avoir sa bague pour le gros trophée. Et ça, c'est un concept... Ben, exactement. Ça, c'est un concept que t'achètes avec l'âge. Tu peux pas acheter ce concept-là quand t'as 20 ans. Quand t'as 25 ans. T'es pas là. T'es encore dans... Je veux le cash, je veux la gloire, je veux le fame. À un moment donné, quand t'es un vrai passionné de hockey... Tu peux finir par comprendre cette patente-là et tu peux en venir qu'à prendre sur toi, tu sais. Puis Alex Ovechkin, c'est ça qui arrive depuis le début de la saison. Là, écoute, je lisais un article, Ovechkin, sa plus grande léthargie en carrière, puis les médias qui comprennent pas. Est-ce que le club gagne? Est-ce que ça va bien? Est-ce que les Caps vont gagner une coupe? Ils ont jamais eu des meilleures chances que là. C'est tout ça qui compte au bout de la ligne? Oui. Fait que c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. C'est ça que vise le gars. À un moment donné, un joueur comme Galchenyuk va réaliser ça. Depuis le début de sa carrière, il est avec deux coachs hyper défensifs. C'est probablement ça qui coupe du temps de glace. T'sais, on cherchait le pépin, là. Le jeu en désavantage numérique, probablement qu'il pourrait avoir du temps de glace à ce moment-là, quand ça arrive ce genre de situation-là, s'il était plus conscient défensivement. Mais c'est pas à 22 ans, à 23 ans que tu mets ça dans la tête d'un kid. Lui, il veut faire son point par match, il veut flasher, il veut... Pis c'est correct aussi, c'est une étape de vie. À un moment donné, il va le pogner, tu sais. Faut juste avoir un coach qui est capable de lui transmettre ce message-là. Ça sera pas tout de suite, ça va venir avec le temps. Mais faut mauditement pas lâcher l'éponge puis la pitcher au bout de nos bras parce que il est pas assez bon défensivement. Ça va venir. Prenez le temps. Il n'y a pas de stress, là. Il va se rendre. Puis, je vais mettre l'emphase sur il y a 23 ans. Ben oui. Il y a juste 23 ans. Fait qu'il faut arrêter de capoter puis dire qu'il faudrait l'échanger. C'est un flop, là. Un peu comme à la Beaulieu. Oh, je dis pas que le monde dise que Gatchek, c'est un flop, là, mais... J'ai déjà entendu du monde dire que ce gars-là est fini il y a 23 ans. Yeah. C'est un peu pas mal n'importe quoi. Ouais. T'sais, tu regardes son année de repêchage, à part Forsberg, que, soit dit en passant, était classé... Il était quatrième cette année-là. C'était vraiment un top 3, top 4. Il y avait les deux de Sarnia, qui étaient Yakupov et Galchenyuk. T'avais Murray et t'avais Forsberg qui s'échangeait 3 et 4. Puis il a dégringolé. Il a été repêché genre 11e Forsberg. Plein de monde ont eu une crampe au cerveau cette journée-là. T'sais. Tu peux pas en vouloir à Timmins d'avoir pogné Galchenyuk. C'était le meilleur dans le top 3. Puis dans le repêchage, ça reste encore le gars qui a le plus de points. Forsberg est un maudit beau talent aussi, mais dans un club plus offensif que le Canadien de Montréal. Avec plus de temps de glace, avec de plus grandes responsabilités. Mais il va y arriver. Là. T'sais, dans les deux cas, c'est y a pas de stress à avoir. Là. Il va avoir des belles carrières. Là. Fait qu'arrêtez de paniquer. Là. Les feux de l'amour, là. On a fait le tour, je pense. Galchenyuk qui s'améliore en plus d'année en année. Hein. Et oui. Faut pas l'oublier, ça. C'est ça qu'il faut voir le plus. Je fais le zen. J'ai eu un petit brin de folie tantôt, mais là, tout va bien. Merci, Jerry, d'avoir été avec moi sur le show encore une fois cette semaine. Ça me fait plaisir. C'était bien agréable. On va remettre ça bientôt. D'ici là, je veux que tu t'indiques à notre monde. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur l'Internet. Partout. Nice. Mais plus précisément sur Facebook. Bon, ils cassent le mot. Sacrement! Même. Sur Facebook, Jerry Godbout, juste à m'écrire que vous me connaissez d'enjeu, on parle d'hockey, pis c'est bien, bien le fun. Sur Twitter, @Godbout25. Sinon, sur un autre podcast qui s'appelle Les Geeks qui sont parmi nous, ça sort une fois de temps en temps, là, c'est à quelque part, ça à la toile, là. Puis on parle de jeux vidéo, BD, films, puis toutes les babelles geeks qu'on aime bien, bien gros. Nice. Ouais. Sinon, toi aussi, j'imagine que sur la toile, t'as une présence. Ben oui, sur Twitter, @gangj_b, facebook.com/JB, Gagné. Même pas, ça, c'est la POC. Hey, je suis en train de tout me mélanger. JB Gagné sur Facebook. La POC aussi, on a une page. Sur Twitter, @lapocpodcast. Notre site internet, lapoc.net. Et on vous invite à nous suivre, à nous liker, à commenter nos différents statuts, à venir discuter de hockey dans le plus grand des respects. On se permet d'échanger des idées. On n'a pas besoin d'être tous d'accord. Tant que la discussion avance et qu'elle est fun, on est ouvert. D'ailleurs, on a mis le feu dans la patente, mon homme. On a kické dans une ruche, il y a des abeilles partout. Ça panique avec mon call de Dwight King. J'aime ça. Donc, je vous invite à venir jaser avec nous autres. On est envoyé, là. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le connect. Ah, faisait longtemps que j'avais pas dit ça. C'est vraiment un cliché. Donc, voilà qui fait le tour pour la POC de cette semaine. Merci, Jerry. Merci, Jubé. Je vous dis à vous autres, les auditeurs, merci d'avoir été là. Et à la prochaine fois. Bye-bye. Ciao, là.